Chapitre 4. Une lettre pour vous, Catherine. Mademoiselle Mathilde, qui faisait semblant de vérifier le carnet de dépenses, jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. En prévision d'une question et pour expliquer les maculatures de l'enveloppe, Mademoiselle Solange ajouta : Elle a dû tomber de la boîte. Mais Catherine, qui n'y regardait pas de si près, remercia, prit la lettre, et, soit par respect, soit par pudeur, soit désir d'être seule pour la savourer à loisir, la glissa dans la poche de son tablier. Les demoiselles escomptaient l'impression que lui causerait cette lecture. Tant de réserves les déçut, et sans le regard que promena Mademoiselle Mathilde, du feu bien allumé, au salon en ordre et au jardin étouffé sous la neige, Mademoiselle Solange se fut laissée aller à quelque égard de langage. Le lendemain, Mademoiselle Mathilde surprit Catherine en train de fureter dans un placard de la salle à manger. « Que cherchez-vous, ma fille ? » lui dit-elle de sa voix mielleuse. « De quoi écrire ? » répondit la servante. Il n'y avait dans la maison qu'un encrier et qu'une plume enfermés dans le petit bureau du salon. Mademoiselle Mathilde répéta. « De quoi écrire ? Vous ne trouverez pas cela ici. Je vais voir. » Ayant rejoint sa sœur, elle lui fit part de la demande. Une telle audace révolta Mademoiselle Solange. « Ce n'est pas assez qu'elle reçoive ces saletés, il faut en plus qu'elle y réponde, et mon encre, ma plume pour ça, plus souvent. »« Préfères-tu qu'elle en achète au village ?» articula Mademoiselle Mathilde. De rage, Mademoiselle Solange cassa sa laine. Mademoiselle Mathilde souleva le cylindre, prit l'encre, qui n'était plus qu'une pâte au fond d'un godet de verre côtelé, et la plume, qui laissait au doigt une poussière de rouille. « C'est nous qui servons de servante !» ricana Mademoiselle Solange. Mademoiselle Mathilde entrait déjà dans la cuisine et disait à Catherine « Voici, vous les rapporterez !» Les demoiselles de Saint-Béodat croyaient que cette concession serait la dernière. C'était mal connaître le cœur d'une fille amoureuse. Loin de satisfaire Catherine, cette correspondance ne fit que troubler son repos. Il ne s'écoulait guère de semaines sans qu'elle reçût une lettre, le lundi généralement, et quand cette lettre n'arrivait pas, elle était triste, languissante et inattentive. Puis, dès qu'elle l'avait reçue, la joie renaissait sur son visage, et pour répondre, elle s'attardait après le dîner jusqu'à 22 heures dans la cuisine. Les premiers temps, elle demandait à Mademoiselle Mathilde. « Est-ce que je pourrais avoir la plume et l'encrier ?» Ensuite, elle les conserva dans le buffet, entre le bol où se figeaient les sauces et les croûtons de pain desséchés. Janvier s'écoula sans apporter de changement. Dans la première semaine de février, Catherine prit prétexte d'une maladie de son père pour demander un nouveau congé. Mademoiselle Solange posa sur elle un regard glacé. « Êtes-vous sûre que ce soit pour votre père ?»« Oui. » répondit-elle presque sans embarras. Car le pli était pris, et elle demandait cela comme un dû, prête à se dire si on refusait, « Alors je m'en vais. » Elle revint le lendemain, à la nuit. Mademoiselle Mathilde, qui guettait derrière les rideaux, crut voir, quelques instants plus tôt, deux formes arrêtées au bas de la côte. Elle ne lui en fit point la remarque, et se contenta d'observer son visage rouge, ses cheveux en broussaille et le désordre de son corsage. Bientôt, un changement s'opéra dans son attitude. Une fatigue alourdit sa marche. Il lui arriva de s'arrêter au milieu d'un ouvrage et de passer sa manche sur son front. Elle semblait préoccupée et soupirait à tout propos. Cependant, elle recevait toujours ses lettres et toujours y répondait, ponctuelle. Brusquement, un matin, à la fin de février, elle annonça sans donner de prétexte. « Il faut que j'aille chez nous. » Elle entra cette fois le soir même, harassée, traînant la jambe, et si lasse qu'elle se coucha sans souper. Mademoiselle Solange se réjouit de la voir dans cet état. « Roule, drôlesse, l'hiver ne durera pas toujours, et alors ?» En attendant, se sachant indispensable, la fille en prenait à son aise. Le temps n'était plus où elle obéissait à un ordre bref, à un signe. Il fallait lui parler comme à une personne et ne plus dire « Faites ceci, faites cela, mais voulez-vous faire ceci, faire cela ?» Mademoiselle Mathilde prenait le mal en patience. Mademoiselle Solange ne se résignait pas à le subir. Elle en perdait le manger et le sommeil. Si cela continue, disait-elle, je tomberai malade. Quand je la vois, le sang me tourne. Quand je me fais violence pour lui parler avec calme, une boule me monte dans le gosier et m'étrangle. Un jour, ce sera plus fort que moi. » Et ce jour vint. Catherine lavait la cuisine sur la pointe des pieds, la jupe relevée. Mademoiselle Solange surveillait son travail. Il faisait si froid que, bien que l'eau fût à peine tiède, elle fumait sur les bras de la servante. Mais Mademoiselle Solange entendait que pas une parcelle du carrelage ne fût oubliée et montrait, d'un doigt impérieux, les places où la toile n'avait pas passé. « Ici, là, là encore !» Catherine, à genoux, obéissait mollement. Mademoiselle Solange s'obstinait. « Derrière le buffet, tirez la chaise. Et ce coin, hein, si les coins en veulent, qu'il s'approche ?»« Je suis fatiguée, » répondit Catherine. Alors Mademoiselle Solange perdit toute mesure. « Fatiguée, vous ne l'êtes pas pour rouler avec les hommes. Croyez-vous donc que nous soyons dupes de vos simagrées, qu'on ne sache pas ce que vous faites quand vous prétendez aller voir vos parents ?» Vos parents, ha ha! Vous vous imaginez que tout vous est permis parce que nous avons eu la faiblesse de fermer les yeux sur vos cochonneries? Eh bien non, nous en avons assez, et si cela ne vous plaît pas, la porte! Elle se tut à bout de souffle, soulagée d'avoir jeté ces mots comme on jette un poids qui vous étouffe, mais soudain effrayée de sa violence. Catherine allait dénouer son tablier, le lui lancer à la figure, partir en claquant la porte. Et ce serait de nouveau l'asservissement aux besognes humiliantes, le réveil dans la maison sans feu, tout ce qui leur avait été épargné jusqu'ici. Mais au lieu de se révolter, Catherine éclata en sanglots. Mademoiselle Solange demeura stupéfaite, puis quelque chose comme un sourire détendit ses traits. Peu à peu, de menus incidents des semaines passées revinrent à sa mémoire. Elle se souvint des fatigues de la servante, des afflux de sang qui lui montaient au visage, du manger que l'on retrouvait intact dans son assiette, de l'alourdissement de sa démarche, et, saisie d'un brusque soupçon, l'empoigna par les épaules. « Avouez que vous êtes enceinte !» Catherine fit oui d'un signe. Alors elle cria, féroce et triomphante. « Mathilde, Mathilde, voici du nouveau et du propre. Tiens, regarde-la, tu ne la vois pas. Mais elle est enceinte, enceinte à pleine ceinture. C'est chez vos parents que vous passiez vos nuits? Sur les tas de fumier, oui, dans les étables. Et votre amant, quelque voyou d'auberge. » Sûre maintenant que la fille n'oserait répondre, elle s'en donnait à cœur joie. Pour un peu, elle eût jeté le nom de l'homme. Mais c'eût été avoué qu'elle avait décacheté la lettre, et cela, elle ne le pouvait pas. Mademoiselle Mathilde s'avança à son tour, frétillante de plaisir, regardant de ses petits yeux lubriques cette face ravagée et ce ventre rond. Plus calme que sa sœur, elle savait mieux ajuster ses traits et tout de suite trouva la plaie vive. « Vous allez vous marier, sans doute. »« Se marier ?» s'écria Mademoiselle Solange. « Se marier ?» D'un clin d'œil, Mademoiselle Mathilde lui imposa le silence. Catherine, un instant apaisée, sanglotait plus fort. « Enfin quoi, il ne vous laissera pas avec ça ?» Catherine se tut, Mademoiselle Solange hurla. « Oui ou non ?»« Est-ce que je sais ?» gémit la servante. Et en phrases entrecoupées, elle conta la pauvre histoire. Un garçon qu'elle aimait, elle avait fait la chose sans savoir. Est-ce qu'on pense dans ces moments-là ? Sûr, il lui avait promis, mais il était parti pour le service. Elle ne se croyait pas prise. Si elle avait su, si elle avait su, quand il saurait. Quand il saura, ricana Mademoiselle Solange, vous n'entendrez plus parler de lui. Pourquoi? Il lui écrit peut-être, insinua Mademoiselle Mathilde, qui avait remarqué que, depuis plus d'un mois, le facteur ne s'arrêtait plus à leur porte. Puis, sans attendre la réponse, elle fit signe à sa sœur et sortit. Je crois, lui dit-elle avec un sourire, que nous l'avons jusqu'au printemps. Je ne la garderai pas une heure de plus, trancha Mademoiselle Solange. Rien que de la voir, le cœur me lève. Ça ne se remarque pas encore beaucoup, objecta Mademoiselle Mathilde. Et puis, vois-tu, Solange, il ne faut pas aller contre son intérêt. Nous ne sommes plus d'âge à supporter ce que nous supportions jadis. Cette fois, Mademoiselle Solange ne se laissa pas convaincre. Arguments, prières, tout s'émoussait contre sa volonté. Elle avait eu trop de mal à secouer l'ordure dont l'acte de chair l'avait souillée pour en avoir constamment devant les yeux le rappel. Sans compter que si aujourd'hui, crevant de peur à la pensée d'être jetée sur la route, la rouleuse tremblait, demain elle reprendrait de l'audace, et pendant des semaines il faudrait voir ce ventre, ces mamelles de chienne pleines. Pouah ! Elles discutèrent tout le jour et très avant dans la nuit. À la fin, Mademoiselle Solange céda. On la garderait, soit, mais à la condition que, dorénavant, elle ne prononçât pas un mot plus haut que l'autre, ne prit pas prétexte de son état pour refuser aucune besogne, et surtout qu'au moment de faire ses couches, elle s'en alla. Catherine accepta tout ce qu'on voulut. La dernière phrase lui arracha une faible protestation. « Mais où j'irai, mademoiselle? Chez mes parents, ils me chasseraient. Chez des amis, je n'en ai point. L'hôpital est à 30 lieues. » « Ça vous regarde? Estimez-vous heureuse qu'on ne vous chasse pas à l'instant ?» Catherine implora du regard mademoiselle Mathilde, qui parfois lui avait parlé avec douceur. Mais mademoiselle Mathilde comptait à la loupe les points d'un canevas. Alors elle sortit, la tête basse. Avril arriva, et avec lui les nuages qui salissaient le ciel depuis des semaines disparurent. L'air était encore froid, les matins piquants. Déjà pourtant le soleil se montrait aux belles heures, et des bourgeons naissaient à la pointe des branches. Bientôt les feuilles s'ouvrirent, un rosier donna sa rose, un lilas fleurit contre le mur, et des hirondelles rayèrent le silence de leurs cris affamés. « C'est maintenant qu'elle va partir, » confia Mademoiselle Solange à sa sœur. Elle ne partit pas. Elle se fit au contraire plus humble, ne refusant aucun effort, même s'il s'agissait de se traîner sur les genoux, de porter de lourdes charges ou de lever les bras pour accrocher les rideaux, ce qui manquait parfois de la faire défaillir. Les demoiselles feignaient de ne pas remarquer sa pâleur, le voile de ses yeux et le balancement de son corps. À toute heure, c'était un ordre nouveau, une pièce à nettoyer, un meuble à déplacer. Quand la maison eut été retournée de haut en bas, elles lui trouvèrent des occupations dans le jardin. Des allées envahies par l'herbe à dégager, des arbres fous à émonder. Quelquefois, à bout de force, Catherine levait vers elle un visage suppliant. Mademoiselle Solange se tournait alors vers sa sœur et posait des questions banales d'un ton détaché. « Tu as pensé à ceci? Tu as noté cela ?» Cette attitude les dispensait d'avoir l'air de comprendre. Depuis ce matin où elles avaient dit ce qu'elles avaient à dire, elles s'étaient données pour règle de n'y plus faire allusion. Il y avait près d'elles une sorte d'animal domestique qui mangeait et dormait sous leur toit, en échange de quoi ils travaillaient selon la règle. Le reste, elles l'ignoraient. Cependant, la grossesse de Catherine devenait de plus en plus apparente, et mademoiselle Mathilde comptait sur ses doigts. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce sera pour septembre. En août, son ventre enfla au point que mademoiselle Solange prédit. Elle va accoucher avant terme. Ce serait encore ce qui pourrait lui arriver de plus heureux, jugea mademoiselle Mathilde. Cela s'arrange, ricana l'aînée. Nous a-t-elle demandé conseil pour se faire basculer le long des meubles? Non, alors. Malgré cela, la marche de la maternité les tenait en éveil. Une curiosité tenace et l'impatience du dénouement les faisaient furoter partout. Septembre arriva sans que l'événement se produisît. Un soir, elles trouvèrent Catherine dans la cuisine, à moitié couchée en travers de la table et gémissant. Elle souffrait si fort qu'elle ne les avait pas entendues entrer. « Ce sera pour cette nuit, » souffla mademoiselle Mathilde à l'oreille de sa sœur. Mademoiselle Solange appliqua la main sur l'épaule de la servante et désigna tour à tour son ventre et la porte. « Vous n'avez pas oublié ce qu'on vous a dit. » Des assiettes restaient sur le buffet. Catherine se traîna jusqu'au meuble, les prit entre ses doigts tremblants et les plongea dans la bassine. Ah ! Elle n'était plus arrogante aujourd'hui. Le temps était loin où, quand elle n'avait pas reçu sa lettre du lundi, il fallait lui parler avec précaution et tolérer qu'elle conservât la plume et l'encrier dans sa cuisine. Les demoiselles se rappelèrent cela avec de petites exclamations de pensionnaire. « Tu te souviens de ces façons d'annoncer « je pars » ? Et la fois qu'elle revint des poitrailliers, c'est ce jour-là qu'elle s'est fait prendre. Ou un autre. Pouah, saleté. Mademoiselle Solange pressa la main sur sa bouche comme pour prévenir un hoquet. Ensuite, elle se mit presque à rire. L'odieux de l'acte s'effaçait devant le ridicule de ce corps difforme, de ce paquet monstrueux dont le poids faisait trébucher la fille à chaque pas. Elle ne pouvait penser à cela sans évoquer le souvenir d'une chienne errante, si pleine que son ventre traînait sur l'herbe, qui était venue mettre bas dans un fourré 7 chiots grouillants qu'elle et sa sœur avaient jetés dans la mare. Après cela, la mère, privée de ses petits, avait rôdé 3 nuits autour de la propriété en hurlant à la mort. Ce soir-là, Catherine monta dans sa chambre sans souper. Le lendemain, qui était un dimanche, elle ne descendit pas à l'heure accoutumée. Dans la cuisine, tout était en ordre. Le pichet rempli de lait, la cafetière, les bols, le sucrier, les serviettes, placées sur la table pour le déjeuner matinal. « Est-ce que, par hasard ?» émit Mademoiselle Solange. Mademoiselle Mathilde alla jusqu'à la cage de l'escalier et appela. « Catherine, Catherine !» Pas de réponse. « Peut-être est-elle dans le jardin. Appelle voir. » Mais ici comme là, leurs cris demeurèrent sans réponse. Alors elles revinrent à la maison. Cette fois, plus de doute, la fille était partie. « Bon débarras !» s'écria Mademoiselle Solange. « Il faudrait s'assurer si elle n'a rien emporté. » « Oh, fit Mademoiselle Mathilde, je ne crois pas. Elle était honnête. » Elles demeurèrent un instant silencieuses. Au fond, ce départ qu'elles avaient exigé les contrariait. « Je serais curieuse de savoir où elle est allée, » dit Mademoiselle Mathilde. Mademoiselle Solange exprima par un geste évasif que cela lui était indifférent. Cependant, lorsque vers 9 heures il leur fallut se résoudre à faire leur lit, elles éprouvèrent les premiers ennuis. L'habitude de ne plus s'occuper des travaux du ménage les avait rendues paresseuses. Les matelas leur semblèrent lourds. Ce fut bien pis quand il s'agit de préparer le repas. Ne sachant pas où étaient les choses, elles ouvrirent 10 fois les placards avant de trouver ce dont elles avaient besoin. La propreté méticuleuse de tout ce qu'elles découvraient les déconcerta. Il leur eût été agréable de constater un manque de soin, quelqu'une de ces négligences qui permettent de dire « Dans quel état cette fille laisse à la maison ?» Au contraire, tout attestait ici un ordre strict et un conscient souci de netteté. Vers 11 heures, comme Mademoiselle Solange mettait le couvert et que Mademoiselle Mathilde soufflait sur le charbon de bois, la porte s'ouvrit et Catherine parut. « Ah, vous voilà !» commença Mademoiselle Solange. La fille appuyée au chambranle était si pâle, l'expression de son visage où les cheveux s'emmêlaient si effarée, qu'elle s'arrêta. Catherine, pliée en deux, balbutiait de vagues excuses. Sa voix venait de loin, et on pouvait compter le temps que ses yeux mettaient à fermer et à s'ouvrir. D'un geste machinal, elle prit la nappe et couvrit la table, disposa les verres et les assiettes, mit la poêle sur le feu, cassa les œufs et jeta les coquilles, tira de l'eau du robinet et prit la bouteille de vin dans le placard. Elle accomplissait sa besogne comme une automate, la bouche entr'ouverte, le souffle court. À un moment, elle s'adossa au mur, la tête jetée en arrière, un bras sur le front. Les sœurs échangèrent un regard et sortirent à reculons. Mademoiselle Mathilde était livide. Mademoiselle Solange cambrait sa taille pour ne pas laisser voir qu'elle tremblait. La cadette dit enfin « Tu as remarqué ?» L'aînée fit oui d'un signe. De nouveau, elles se turent, paralysées par l'émotion, puis Mademoiselle Mathilde murmura, l'oreille tendue vers les bruits de la cuisine. « C'est fait, n'est-ce pas ?» Elle n'osait y croire. Solange, avec son autorité de femme, confirma ses doutes. Et elles se mirent à parler, vite, rapprochées, comme des complices qu'effraye le bruit de leur voix. « Tu l'as vu, elle a le ventre plat, et une figure, et comme elle claque des dents !» La merveille de la maternité les tenait haletante. À quelques mètres d'elle, un enfant était né dans l'abandon du silence. Elle savait que l'accouchement ne va pas sans d'atroces déchirements. Une fois qu'elle passait près de la maison d'une femme en Gésine, elle s'était enfuie, épouvantée par les cris qu'elle poussait. Comment donc n'avait-elle rien entendu? Leurs questions s'entrecroisaient. Elle ne savait qu'y répondre, restant presque pareille malgré leur âge, à ces enfants qui cherchent à déchirer le voile qu'on jette pour eux sur les choses les plus simples et les plus grandes de la vie, la naissance et la mort. Elles émettaient des hypothèses. C'est quand elle est montée que les douleurs l'ont prise. À quelle heure ça a-t-il pu arriver? Ça n'a pas dû être long. Est-ce qu'on sait? Vers minuit, j'ai cru entendre comme une plainte. Moi aussi. Était-ce elle ou bien? Oh non, il paraît que ça crie plus aigu. Montons dans sa chambre, dit Mademoiselle Solange, prise d'une résolution subite. Elles gravirent l'escalier et s'arrêtèrent devant la porte. Mademoiselle Mathilde frémissait de colère. Mademoiselle Solange ne savait que répéter. « Chez moi! Chez moi !» La porte ouverte, la mansarde apparut, éclairée d'un jour gris, tel le matin où Catherine s'était éveillée près d'une année plus tôt. Un autre automne commençait déjà, et le froid qui venait de la tabatière mal jointe les fit frissonner. Mademoiselle Solange souleva sa vieille jupe placée sur une chaise, ouvrit une malle où Catherine rangeait ses hardes, avisa le lit, tira violemment la courte pointe à ramages famés qui le couvrait, et tressaillit. Les draps étaient maculés de sang, le traversin crevé laissait couler ses plumes, et des traces de doigts rouges se voyaient sur le mur. S'il en fut resté un doute, les taches eussent suffi à le dissiper. L'accouchement avait eu lieu ici. Mais alors, qu'est-ce que Catherine avait fait de l'enfant? Un même soupçon les effleura, si terrible qu'elles n'osèrent d'abord le formuler. La première, Mademoiselle Mathilde risqua. L'aurait-elle tuée? Mademoiselle Solange baissa la tête. Et elles demeurèrent immobiles, accablées soudain d'une mortelle angoisse, les yeux allant des draps souillés aux digitations roses plaquées sur le mur, aux rectangles de feutre servant de descente de lit, fraîchement lavés. Pas un instant l'idée de ce dénouement n'avait traversé leur esprit. Et voilà qu'il apparaissait certain et fatal aussi. Depuis des semaines, il avait dû hanter le cerveau de la fille. C'est à cela sans doute qu'elle pensait quand, affalée sur l'escabeau de sa cuisine, elle demeurait absorbée au point de ne pas répondre à l'appel de son nom. Elle y pensait aussi les nuits qu'on voyait de la lumière filtrée sous la porte. Un étrange silence, si pesant qu'elle n'en avait jamais connu de semblable, ensevelissait la maison. Il n'y avait que la mort pour vider ainsi l'air de tout bruit. Quand elle lisait par hasard dans quelque vieux journal le récit d'un infanticide, elle n'éprouvait aucune émotion. À cette heure, et parce qu'il avait été commis chez elle, le crime leur paraissait monstrueux. Mademoiselle Solange finit par décider. « Il faut la faire arrêter. »« Il le faut, » répéta Mademoiselle Mathilde. « Il faut l'interroger, il faut qu'elle avoue, » dit Mademoiselle Solange. « Il le faut, » répéta Mademoiselle Mathilde. Mais elle prononçait cela sans conviction. À mesure que passaient les minutes, un froid descendait sur leurs os. N'était-elle pas en une certaine mesure responsable de ce meurtre? Elle n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. Les mêmes doutes et les mêmes frayeurs naissaient au même instant sous leur front. « Quand ça se saura, que les gendarmes viendront, » risque Mademoiselle Mathilde à voix basse. « Qu'ils viennent, » prononça durement Mademoiselle Solange. « Est-ce ta faute? Est-ce la mienne? Quel exemple cette misérable a-t-elle trouvé ici, autre que celui de la vertu? Et dire qu'elle a osé paraître devant nous. Elle n'y restera pas longtemps, je te le jure. Allons, viens !» Une demi-heure s'était écoulée sans qu'elles y prissent garde. Mademoiselle Solange dit en entendant sonner midi. « Tu dois avoir faim !» Mademoiselle Mathilde fit non d'un signe. Elle se sentait la tête creuse et le gosier noué. « Eh bien, moi j'ai faim !» déclara sa sœur. Elle mentait pour donner du courage à sa cadette. Dans la cuisine, elles trouvèrent leur repas refroidi sur la table, mais point de servante. « Où est-elle ? » s'étonna Mademoiselle Mathilde. « Au diable ! » répondit Mademoiselle Solange. « Où veux-tu qu'elle soit ? Elle a compris que tout était découvert et elle a filé. Les gendarmes sauront retrouver sa trace. Assieds-toi et déjeunons. » Mademoiselle Mathilde creva d'un croûton de pain le jaune de son œuf, puis repoussa son assiette. « Je ne peux pas. » Mademoiselle Solange expliqua son geste identique en disant « Ce n'est pas mangeable, c'est glacé. » La pluie tambourinait aux vitres. Par la fenêtre, on voyait des flaques dans le jardin, une bêche appuyée contre un arbre, du linge tendu sur une corde et que l'eau relavait. Du pauvre linge, une chemise de grosse toile, des bas tant et tant reprisés que cela faisait des boules aux talons, et un caraco de pilou. « On devrait rentrer ça, » proposa mademoiselle Mathilde. « À quoi bon ? » fit mademoiselle Solange en haussant les épaules. « Où elle sera ce soir, elle n'en aura pas besoin. » Mademoiselle Mathilde tressaillit. Elle regardait le chemin menant à la rivière, où jadis on avait repêché le corps de leur servante idiote. Alors, mademoiselle Solange sentit sa peau se hérisser et questionna d'une voix à peine intelligible. « Tu ne crois pas, tout de même ?» D'un hochement de tête, mademoiselle Mathilde indiqua que telle était sa pensée. Celle-ci, après l'autre, lasse de vivre, était allée là-bas chercher le seul repos. Ainsi la mort germait dans leur maison. Quelle détresse coulait donc de ces murs, quel désespoir exhalait de ce jardin. Une frayeur superstitieuse s'empara d'elle. Mademoiselle Solange ouvrit la porte et alla jusqu'au puits et cria « Catherine, Catherine !»« Elle est peut-être à la buanderie, » émit mademoiselle Mathilde. Elle y courut et revint sans l'avoir trouvée. Le dernier espoir s'évanouissait. Sans prendre la précaution de changer de bottines, ni de nouer un fichu autour de leurs épaules, elles partirent sur la route. Dans leur hâte, elles avaient négligé de fermer la porte. Mademoiselle Mathilde esquissa un mouvement en arrière pour réparer cet oubli. Mademoiselle Solange l'entraîna. Tout en dévalant le raidillon, elle calculait. « Il était 11 heures quand nous l'avons quittée. Du train dont elle marche, sûrement elle n'y est pas encore. » À mi-côte, elles croisèrent un gamin. « Tu n'as pas rencontré notre servante ?»« Non. » « Aurait-elle donc couru si vite ?» dit mademoiselle Solange. « Est-ce qu'on sait ?» bredouilla mademoiselle Mathilde. Elles atteignirent la rivière dont l'eau boueuse charriait des débris de branches. Sur la berge, nulle trace de pas. « Si elle avait fait ça, ça aurait été ici et pas ailleurs, » assura mademoiselle Solange. « Plus haut, ce sont les bois. Plus bas, il y a les maisons. »« Non, elle s'est sauvée, simplement. » Elles rebroussèrent chemin, non point rassurées, mais un peu soulagées tout de même. De temps en temps, mademoiselle Solange marmonnait. « Se tuer ? Ah ! Tu lui prêtais plus de cœur qu'elle n'en a. » Elles s'arrêtèrent. Soudain, mademoiselle Mathilde se frappa le front. « Et la grange où nous n'avons pas cherché, la grange où il y a des cordes ?» Elle n'eut pas besoin d'en dire davantage. Mademoiselle Solange ramassa ses jupes et toutes deux se mirent à courir. À quelques mètres de leur maison, elles rejoignirent le gamin qui les avait croisés en descendant. « Tu n'as pas vu notre servante ?» jeta mademoiselle Solange sans presque ralentir. « Non ?» La porte poussée par acquis de conscience, mademoiselle Mathilde appela. « Catherine, Catherine, Catherine !» Elle était hors d'haleine et sa petite voix perçante n'allait pas loin. « Catherine, Catherine !» cria mademoiselle Solange. En passant, mademoiselle Mathilde fit un crochet jusqu'à l'écurie. Des poules effarées se levèrent avec un grand bruit d'ailes. L'une, dont les poussins fuyaient affolés, s'insinua entre ses jambes et la fit tomber. De l'extérieur, mademoiselle Solange criait. « Viens, viens, elle n'y est pas, sûrement !» Mademoiselle Mathilde la rejoignit en boitant. « Va devant, va. Tu t'es fait mal ? Non, ce n'est rien. » En vérité, elle ne sentait pas plus la douleur que sa sœur ne sentait son oppression. Avec cela, cette terre qui fuyait sous les semelles et collait aux talons. Sur le ponceau vermoulu, mademoiselle Mathilde glissa et se releva les mains et le ventre enduits d'une mousse glaireuse. À quelques mètres de la grange, elles durent faire halte, n'en pouvant plus. Leurs épaules, leurs cheveux et leurs visages ruisselaient. Mademoiselle Solange s'assit sur une pierre, la poitrine chaude, comme si chacune de ses aspirations avait attisé un chardon brûlant, et hoqueta, une main pressant sa poitrine, l'autre tendue vers la porte. « Vite, vite !» La frayeur, plus encore que la fatigue, la paralysait. Prête à entrer, mademoiselle Mathilde recula. « Je n'ose pas. Souffle encore un peu, nous entrerons ensemble. » Mademoiselle Solange se remit sur ses pieds et elles ouvrirent. Tout de suite, leurs têtes se levèrent. Mais d'abord, elles ne distinguèrent rien qu'un enchevêtrement de traverses et l'inextricable fouillis en loques accrochées aux solives. Ensuite, se guidant sur la lumière qui tombait d'une lucarne, elles avancèrent, se heurtant aux meubles vermoulus, aux sommiers qui sommaient avec un triste bruit de vieilles cloches. Elles eurent bientôt fait le tour du galetas. Il ne restait qu'une sous-pente à quoi l'on accédait par une échelle. Du temps qu'elles étaient petites et que leurs parents vivaient, elles s'y réfugiaient pour jouer à leur aise. Que d'objets disparates n'avaient-elles pas transportés là? Chaises cassées, édredons hors d'usage, bassines sans fond, plats ébréchés, robes tant et tant de fois transformées que les coutures n'arrivaient plus à se joindre, journaux qu'on collectionne sans but et qu'on jette sans raison. C'était comme un de ces nids cachés dans un trou de mur où les oiseaux misérables entassent tout ce qu'ils trouvent. Leur dernière visite à ce réduit remontait à plus d'un quart de siècle. Depuis, l'échelle était demeurée couchée sur le sol. Elles s'en souvenaient parfaitement. En la voyant dressée contre le mur, elles se mirent à claquer des dents, et mademoiselle Mathilde serra le bras de sa sœur. Il ne s'agissait plus, ce coup-ci, de pressentiment ou de crainte. Quelqu'un était monté. Et qui pouvait être ce quelqu'un, sinon Catherine? Et pourquoi était-elle montée, sinon pour... « Tiens l'échelle, j'y vais !» dit mademoiselle Mathilde. À mi-chemin, elle risqua un regard en arrière. « je tiens !» fit Solange. Mais mademoiselle Mathilde craignait moins une chute que le spectacle qui l'attendait là-haut. « Va donc !» ordonna mademoiselle Solange. Elle se décida, levant les pieds et les posant avec lenteur. Son front affleura le plancher, son menton le dépassa. Alors elle eut un haut-le-corps. « Tu vois ! » s'écria mademoiselle Solange. « Chut, chut ! » fit-elle un doigt posé sur la bouche. Mademoiselle Solange trépigna. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu ?» Elle fit de la main un geste qui commandait le silence et souffla. « Monte ! » Mademoiselle Solange obéit, et soudain, arrivée au dernier échelon, elle poussa un cri et s'agenouilla sur les lattes. Devant elle, assise sur un tas de chiffons, souriante, le bras gauche plié sous une toute petite chose, soutenant son sein entre l'index et le médius de la main droite, Catherine donnait à boire au nouveau-né. Au bruit, elle avait d'abord levé la tête et reculé d'instinct. Maintenant, elle fixait sur ses maîtresses ses yeux humides et doux. Mademoiselle Solange se souvint d'un regard pareil qu'avait tendu vers sa pitié la chienne aux sept petits, et secouée d'une émotion telle qu'elle n'en avait jamais éprouvé de pareille, risqua un pas puis un autre et allongea la main. « Ne lui fais pas de mal, » supplia mademoiselle Mathilde. « Lui faire du mal ? Oh !» En le touchant avec un geste maladroit et tendre de grand-mère, elle dit d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. « Pauvre petit, pauvre petit !»